Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour explorer l'univers de la bande dessinée. Et une émission qui aura une forte tendance autour de la BD, soit historique, soit dans un contexte historique, autour des albums qu'on aura l'occasion d'explorer cette semaine. Notamment en deuxième partie d'émission, l'auteur et historien Gilles Laporte sera avec nous pour parler du projet BD Légende d'un peuple. Alors, on fait adaptation, peut-être que les auditeurs de CKRL 89.1 connaissent déjà un peu cet univers à travers justement le projet d'Alexandre Béliard du même nom. Eh bien, maintenant, on va plonger plutôt dans la version BD de ce projet, de cette initiative. Et ben on va voir un peu de quelle manière justement on réalise, on travaille le matériel historique québécois en BD. Sinon, celle qui est située dans un contexte historique, ben c'est La Grande Noirceur, nouvelle bande dessinée de Philippe Girard chez Mécanique Générale, qui nous entraîne dans le Québec des années 1939-1940 et dans un parcours qui questionne peut-être sur les éléments liés à la tolérance et disons, au regard qu'on porte sur l'autre, entre autres thématiques. Alors voilà pour une partie des entrevues. Je dis une partie car également on aura le plaisir de jaser en fin d'émission avec l'éditeur Luc Bossé, les éditions Papaw. Alors peut-être avez-vous vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais les éditions Papaw qui lancent donc une campagne Kickstarter, une campagne de sociofinancement pour leur permettre de réaliser un projet de traduction anglophone de leur bande dessinée ou d'une partie en fait de leur titre. Alors ben pourquoi fait-on ce geste-là, cette décision-là, comment prépare-t-on un peu le terrain, évidemment, regarde donc sur cette campagne d'importance pour ce jeune éditeur. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Sinon, dans l'actualité, un milieu BD qui est quand même relativement tranquille, je dois le dire en termes de nouvelles. On revient évidemment sur l'affiche de Bill Watterson pour le festival d'Angoulême. En fait, c'est une entrevue sur laquelle je suis tombé, assez intéressante tout de même là, sur Actua BD. Stéphane Beaujean, responsable artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui explique un peu les choix qui ont présidé à la création de l'affiche 2015, les pistes qui ont été offertes ou données par Watterson ou par l'équipe du festival. Ce qu'on disait, c'est que notamment on souhaitait éventuellement avoir justement une affiche qui dépasserait un peu le confin d'une illustration, mais qui irait plutôt avec une histoire dessinée, donc avec une bande dessinée en bonne et du forme. Alors, c'est ce qui a été fait avec ce projet. Et évidemment, pour le thème, il dit, regardez, du moment où lui ne voulait pas dessiner Calvin and Hobbes, qui ne peuvent être qu'au service que d'eux-mêmes, qui représentent le passé de Watterson, eh bien, il a fallu aussi réfléchir à une idée. Alors, de quelle manière on peut développer tout ça? Alors, une entrevue quand même assez intéressante. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, évidemment, mais je peux vous renvoyer aussi vers le Facebook de La Vie en BD, facebook.com/La Vie en BD, pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc, un chouette regard. Et parlant de Calvin et Hobbes, eh bien, si vous avez déjà lu la bande dessinée, peut-être avez-vous remarqué qu'il y avait quand même pas mal de dégâts qui étaient générés par ce petit gamin de 6 ans. Eh bien, il y a des gens qui ont décidé, en fait, de quantifier ce que coûteraient les dégâts engendrés par les actions de Calvin et Hobbes. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est que normalement, les coûts sont relativement élevés, des dégradations au fil des planches qui s'élèvent à un total de 15 955 $ US au total, ce qui inclut notamment là, les coûts liés à l'inondation de sa maison qui sont évalués à 4 798 $83. Quand même. Et on parle d'une moyenne donc par année production BD de dommages de 1 850 $ et $55 par année. Alors, une étude assez sérieuse, somme toute, là, et qui est assez rigolote aussi, bien que d'une utilité très relative, on en conviendra. Alors, si jamais vous voulez tomber sur cette étude, la lire, la consulter, eh bien, encore là, je vous redirige vers le Facebook, sinon c'est dans l'actualité. Et enfin, dernier petit clin d'œil, à 71 ans, le dessinateur et scénariste Jean-Claude Fournier a reçu en octobre dernier les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France. Fournier, évidemment, qui a travaillé sur le personnage de Bizu et qui a réalisé également 9 aventures de Spirou et Fantasio entre 68 et 81. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil en musique cette semaine. La formation qui nous accompagne, eh bien, c'est toujours sur l'étiquette With 8-Bit People. Alors, c'est la formation Doom Cloud avec leur album The Masquerade. Et on en écoute immédiatement un premier extrait. Et voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Et maintenant, on plonge dans des albums qui sont apparus sur les étals des libraires au fil des dernières semaines. On n'est pas trop en retard cette fois-ci, on est bien content. Et ben, on y tenait également parce que c'est vraiment un bel album que nous offre Philippe Girard avec La Grande Noirceur. Retour donc dans l'histoire un peu plus lointaine, si on peut dire, du Québec, du moins les années 40, là, lointaine au sens large, évidemment. Et ben, on avait envie d'en jaser avec l'auteur, justement, qui est avec nous au bout du fil, Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Alors, ben donc, tu nous entraînes dans cette bande dessinée-là, La Grande Noirceur, mais dans les années 39, donc c'est pas La Grande Noirceur de Duplessis. Non. Mais c'est quand même, à la lecture de la BD, on le découvre, les années que tu nous présentes sont aussi une période marquée d'intolérance, de méfiance, là. Oui, en fait, la période qu'on désigne normalement sous le vocable de Grande Noirceur, c'est plutôt les années 50, mais donc la période qui précède l'élection des libéraux de Jean Lesage à Québec. Mais bon, c'est ça. Moi, en me penchant sur celle des années 30, à un moment donné, j'ai réalisé que la noirceur est encore plus grande, finalement, puis c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre-là à mon livre. Et justement, on parle beaucoup. En fait, on suit, et je te laisserai peut-être le présenter, on suit le parcours d'une immigrante italienne qui est confrontée aux réalités religieuses, qui est confrontée aux réalités de la société de l'époque à travers une relation particulière qu'elle entretient avec une personne. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mon personnage s'appelle Anna Donati. Il s'agit, en fait, de ma grand-mère maternelle. Et c'est une immigrante italienne qui vit à Québec. On est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nécessairement, les Alliés vont aller se battre en Europe contre les Allemands et les Italiens. Alors, elle est victime de ségrégation simplement à cause de ses origines. Mmh. Et ça s'appuie sur un fait historique. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont été emprisonnés au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale simplement parce qu'ils étaient d'origine italienne. Alors, c'est ça. Déjà, moi, je voulais parler de ça. Et c'est ça. Donc, au début du livre, donc Anna est au port de Québec parce qu'il y a un bateau qui est arrivé. C'est un grand événement à cette époque-là. Parce que, bon, la ville est petite, il n'y a pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et donc, elle va voir le bateau. Et sur le chemin du retour, il y a un jeune homme qui commence à lui parler et qui est renversé par une voiture. Évidemment, les langues sales commencent à se faire aller. On lui reproche à elle d'être responsable de cet accident-là. Et là, elle doit, d'une certaine façon, acheter l'indulgence des gens. De ses concitoyens, et pour y arriver, elle décide d'aller lire des passages de la Bible au couvent, donc aux blessés. Et ça, évidemment, c'est une façon d'abord et avant tout de comme laver son ardoise devant tout le monde. Et évidemment, c'est ça, il y a une relation qui va naître entre eux à partir de ce moment-là, même si lui est inconscient. Et de là, justement, tu as choisi d'aller explorer un récit un peu en trois temps, si on peut dire, en trois temps parallèles. Donc, c'est ça. Le passé de cette personne-là, donc qui est-il, d'où vient-il, un côté un peu plus fantasmé à travers la lecture de Paradise Lost de John Milton, donc des images qui sont liées à ce que cette jeune femme-là vit et la réalité qu'elle traverse aussi. Donc, question de rythmer aussi le récit, d'apporter un apport de mystère, de nous faire prendre conscience aussi de l'impact que ces lectures-là et de ces événements-là pouvaient avoir sur le personnage à travers les séquences fantasmées. Mais en fait, l'idée surtout, c'était de raconter le quotidien, mais vraiment, vraiment quotidien, au sens le plus plate du mot, là, d'une jeune femme de peut-être 25 ou 30 ans de cette époque-là, là, qui finalement a absolument rien à se reprocher parce que, bon, elle s'occupe de sa mère, elle va veiller un blessé au couvent, puis elle fait tout ce qu'on attend d'elle. Et malgré tout, elle est victime des préjugés, de la culpabilité que le reste de la population veut lui faire porter. Hein. Donc, le fait d'avoir un récit comme ça qui se décline en trois temps, comme vous dites, ou en tout cas en trois séquences, c'est que ça me permet, dans le fond, d'établir un parallèle entre la vraie vie, donc la vie de tous les jours, ce qui se passe dans la tête du blessé quand elle lui fait la lecture, et ce qui se passe dans sa tête à elle, quand elle rentre chez elle et qu'elle se couche le soir, suite à la lecture du livre qu'elle fait au blessé. Oui, en fait, il y avait une formule que tu avais utilisée d'ailleurs à un moment donné que j'avais bien aimée, c'est que la grande noirceur, c'est l'histoire d'une femme qui a rien à se reprocher et à qui on reproche beaucoup de choses. Oui, mais c'est ça, c'est très, très exactement ça. Puis évidemment, c'est ça, toute cette histoire-là, évidemment, je l'ai puisé beaucoup dans le journal personnel de ma grand-mère. Là, j'ai eu cette espèce de chance extraordinaire il y a quelques années. Mon père m'a donné en cadeau donc le journal que sa mère avait tenu pendant 5 ans dans les années 30, donc à tous les jours, là, du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1935. Donc, c'est quoi? C'est 1800 quelques jours de témoignages là, de première qualité, si je puis dire, là, auxquels j'ai accès. Puis c'est en le lisant et en le relisant comme ça que j'ai eu envie d'explorer certains thèmes, notamment celui donc du racisme ordinaire. Dans les années 30, déjà, une Canadienne française, parce qu'on disait pas québécois dans ce temps-là, là, une Canadienne française, elle était très honteuse de cet état de fait-là, là, dans, en tout cas dans la bouche de ma grand-mère puis dans ses écrits, là, c'est vraiment une ignominie là, d'être une Canadienne française. Elle rêve des Anglais, de l'Angleterre. Elle trouve que les Canadiens français, c'est un peuple de bons à rien. Ça, déjà, je trouvais ça hallucinant de le lire. En plus de ça, ben, c'est ça apporte un regard tout à fait commun ou banal pour l'époque sur tous les immigrants, même s'il y en a très peu. Là. Mm-hmm. Donc, elle parle des nègres, évidemment, c'est ses mots à elle. On sent qu'il y a un certain dégoût quand même. Pourtant, c'était pas une femme méchante, c'était pas une femme qui avait... c'était une femme tout à fait ordinaire pour l'époque. Puis ça aussi, c'est très frappant quand on lit comme ça son journal, de voir à quel point il y a une hiérarchie dans sa tête entre les nationalités. Puis c'est ça, je trouvais ça hallucinant de lire ça quand même. Alors c'est ça, j'ai eu envie d'en parler. Oui, puis en même temps, ça devient un portrait un peu d'une ville où on se rend compte à l'époque, bon, on peut faire les parallèles qu'on veut avec aujourd'hui, évidemment, mais à l'époque, c'était une ville qui était très ancrée sur elle-même aussi, beaucoup plus qu'aujourd'hui même, là. Ben oui, là, j'espère. Évidemment. J'espère de tout cœur que la ville de Québec s'est comme ouverte sur le monde, là. Franchement, je pense qu'entre les années 30 aujourd'hui, il y a vraiment un monde de différence, là. Il y a plus d'immigrants aujourd'hui. Mais ceci étant dit, je crois que c'est très difficile d'être un immigrant, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où on se trouve. Là, je pense que c'est dur d'être un immigrant parce qu'on est toujours différent des autres. Mm-hmm. Il y a un auteur latino-américain qui disait un exilé ou en tout cas un immigrant, c'est la fausse note d'une partition qui se voudrait parfaite. Puis je trouvais tellement l'image forte, en fait. On a beau essayer de s'intégrer, on a beau essayer d'être à l'image des gens qui nous accueillent, je pense qu'il reste toujours une petite différence qui est très, très difficile à camoufler. Puis bon, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on se demande si c'est nécessaire aussi. Est-ce que notre différence n'est pas nécessairement ce qui nous rend tellement intéressant? Et en même temps, ce qui est aussi particulier dans le contexte, j'imagine, de création de l'ouvrage, c'est que le projet de La Grande Noirceur était démarré et en cours de projet, en cours de réalisation, il y a eu aussi tout le débat justement sur la Charte des valeurs. Ouais, exact. Ça devait créer un contexte un peu surréaliste de travailler sur des trucs des années 30 puis de voir qu'il y a des pans de débat ou des pans de questionnement qui peuvent être mis en parallèle de manière quand même assez aisée. Au bout du compte, en fait, c'est la deuxième fois dans ma carrière d'auteur que ce genre de situation-là se produit. Quand je faisais mon livre Tuer Velasquez, qui parlait de prêtre pédophile, au moment où le livre est sorti, ça tout d'un coup c'est revenu à l'avant-plan dans les journaux, ça a comme coïncidé avec l'apparition du livre, puis je l'avais pas prévu. Et là, c'est ça, avec La Grande Noirceur, donc c'est ça, je grattais moi ce thème-là, là, de la différence, de l'intolérance, en tout cas, bon, du racisme, l'acceptation de la différence, tout ça, et paf, toute la question donc de la Charte des valeurs a rebondi dans l'actualité. Puis ça se passait à un moment où, ici à Québec, il y avait un auteur de BD français qui était en résidence, Jean-Jacques Rouget. Donc, nous aussi, on était tous les auteurs de BD de Québec, la plupart, on essayait de passer du temps avec lui, puis on était tous fiers de lui dire qu'on vit dans une société très tolérante, ou etc., où est-ce que c'est facile de s'intégrer. Puis là, il y avait ce débat-là là, qui avait cours dans les médias, donc ça venait... On se sentait comme un peu en porte-à-faux par rapport, justement, à notre fierté, là, mais c'était très, très malaisant de devoir comme vivre avec ça, avec ce débat-là, quand il y a un étranger, un ami, quelqu'un à qui on a envie de montrer le plus beau visage de notre ville. Ça m'a mis dans un contexte de création assez particulier. Puis bon, c'est ça, c'est une coïncidence, mais ça a certainement eu de l'incidence sur le récit. Et dans la manière aussi dont tu représentes la ville, donc Québec qui est belle dans la Grande Noirceur, mais qui est sombre, qui est terne, les vêtements, les voitures, glauque à la limite aussi, donc à l'image un peu de cette intolérance-là qu'il y avait dans les années 30. Oui, c'est ça, je pense que c'est exactement ça, en fait. Là, on le voit quand on consulte les vieilles photos sur la ville de Québec là, de ces années-là, il y en a beaucoup qui sont disponibles aux archives de la ville, là, donc dans l'édifice de la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est quelque chose qu'on remarque, en fait, c'est que les photos sont en noir et blanc, évidemment, là, mais on sent que les vêtements sont tous foncés, là, gris, noir, brun, bleu marin. Les hommes ont tous la même apparence. Si c'est la mode d'avoir une moustache avec une séparation sur le côté, ben ils l'ont toutes, cette affaire-là. Puis les filles, ben ils ont toutes la même coupe de cheveux. On sent que le modèle social là est unique pour les hommes et unique pour les femmes. Ça, c'est frappant parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vit dans une époque où les gens ont revendiqué leur originalité puis leur appartenance. En tout cas, chacun affirme sa personnalité, notamment avec ses vêtements, ses cheveux. Bon, on vit dans une société où il y a plus de modèles ou de plus d'inspiration, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Puis ça, je présume que ça vient aussi avec toute l'ouverture sur le monde puis toute l'acceptation d'autrui. Là, c'est une de ces manifestations, c'est ça. Puis bon, évidemment, dans les années 30, ils l'avaient pas. Et ça, c'est vraiment déconcertant. Puis c'est, je pense que c'est un des éléments qui fait que cette époque-là devient comme intéressante pour le comparatif, j'ai envie de dire. Là. Et si on fait le jeu des comparaisons aussi, Philippe Girard, je pense que le ton et la période nous amène aussi à penser à l'autre BD qui était placée dans le Québec d'il y a plusieurs décennies, La mauvaise fille. C'est évidemment, ça. C'est pas la même grand-mère. Non. Mais même, en fait, je pense au niveau de la dynamique du caractère du protagoniste, on passe d'une femme qui intimide dans une certaine mesure à celle qui est intimidée carrément. Oui, c'est exactement ça, en fait. Au départ, quand j'ai commencé à faire La grande noirceur, moi, je voulais faire un deuxième tome à La mauvaise fille. Donc, le protagoniste aurait été la même grand-mère que dans La mauvaise fille, mais l'éditeur ne souhaitait pas publier un deuxième tome. Puis moi, j'avais envie vraiment de raconter cette histoire-là. Je veux dire, j'étais vraiment, vraiment intéressé par ce sujet-là. Alors, c'est ça. Donc, à partir du moment où j'ai décidé que je le faisais quand même, ben, je devais jongler avec cette contrainte-là, là, raconter mon histoire, mais en me plaçant sous un angle différent. Donc, au lieu de la raconter du point de vue de la personne qui intimide, ben, je l'ai raconté du point de vue de la personne qui est intimidée. Mmh. Et donc, c'est ça. Mes deux grand-mères, en plus, se sont vraisemblablement côtoyées sans nécessairement se connaître dans ces années-là, parce que, bon, la ville de Québec, là, dans les années 30, c'était beaucoup moins gros qu'aujourd'hui. Mmh. Mes deux grand-mères habitaient donc dans le quartier qui est derrière l'Assemblée nationale, donc entre ce qui est maintenant le Grand Théâtre et l'Assemblée nationale. Et puis, donc, ils ont dû se côtoyer à l'église ou à l'épicerie, dans ces coins-là. Donc, je trouvais ça intéressant déjà de planter l'action dans ce coin-là. Puis c'est ça, encore une fois, la ville de Québec est intéressante à cette époque-là pour quelqu'un qui cherche à comprendre c'est quoi l'évolution. Là. On se rend compte que la Révolution tranquille, elle s'est faite en douceur, mais elle s'appelle tranquille aussi parce que ça s'est fait tranquillement. Et ça a commencé bien avant l'élection de Jean Lesage. Il y avait comme des choses qui germaient déjà avant. Puis tout ce changement-là, il a été beaucoup porté par les femmes. Des femmes qui voulaient que ça change, qui voulaient... ma grand-mère paternelle ne voulait pas se marier, elle, c'était elle. Donc, son combat, elle, ça a été ça, là. Évidemment, elle a fini par le faire, mais elle s'est mariée très, très tard. Donc, c'est ça, tout. J'ai envie de dire que la petite amorce ou le petit élément qui a provoqué le changement dans ces années-là, ben, il était beaucoup porté par les femmes, puis on s'en rend compte quand on a accès à des documents là, comme le journal de ma grand-mère. Et en parallèle aussi à ces éléments-là, puisés dans l'histoire, puisés dans vos observations, dans les préoccupations, il y a aussi une part d'intimité que j'ai l'impression que tu dévoiles aussi là-dedans. Et je crois que tu en avais parlé dans certaines entrevues, oui. Que ce soit journaux ou radio, l'expérience d'accompagnement de malades, de lecture, d'être au chevet de quelqu'un, c'est en lien avec une expérience vécue aussi. Oui, c'est ça. Donc, dans un livre que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelait « Les ravins », j'évoquais donc c'est ça la mort d'un de mes amis Guillaume qui a eu un cancer, donc il s'est fait traiter à Québec pendant un an ici à l'Hôtel Dieu. Lui est originaire de Chicoutimi, puis bon, il venait d'avoir un bébé, donc il y avait pas de monde pour l'accompagner ici. Alors c'est devenu pour moi c'est devenu comme naturel d'aller le voir à l'hôpital. J'y allais tous les jours, matin, midi et soir. Et puis c'est ça, à un moment donné, surtout vers la fin, les traitements faisaient plus effet sur lui, puis là ben il était condamné, on savait qu'il allait mourir. Et puis j'allais quand même le voir. Mais c'est ça, dans les derniers jours, il était inconscient, puis il y avait un livre qui était sur sa table de chevet, un livre que lui avait amené, c'est un roman de Jean-Jacques Pelletier, je me rappelle. Puis moi, juste pour signifier ma présence, puis trouver une façon, dans le fond, d'entrer en contact avec lui, ou en tout cas espérer d'entrer en contact avec lui, j'ai repris la lecture du livre où il était rendu, puis je l'ai continué à lire à voix haute. Puis c'est ça, après ça, dans l'autobus, en rentrant chez moi, je me demandais, ben, est-ce qu'il m'entend, ça donne-tu quelque chose que je fais là, est-ce que je perds mon temps? Puis après ça, ben dans d'autres réflexions, je me suis demandé ce que ça changeait dans ma tête à moi de faire la lecture à quelqu'un qui m'entend peut-être pas, puis qui était comme ça, qui est sur le point de mourir. Donc toute cette réflexion-là, finalement, a nourri le livre La Grande Noirceur. Et puis à la limite, en fait, de manière autant plus peut-être personnelle versus les ravins ou dans une autre dynamique aussi que tu l'avais amené précédemment. Ben en tout cas, je sais pas parce que j'ai toujours été mal à l'aise avec l'expression là que. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça, je portais ce livre en moi, etc. Moi, j'ai jamais eu l'impression de porter un livre en moi. J'ai toujours eu l'impression que le livre, il flottait comme autour de moi, puis qu'il choisissait de s'écrire à travers moi. Mais peut-être que celui-là, finalement, je le portais plus que je le pense, en tout cas, parce que ça fait longtemps que je réfléchis à cette idée-là. Puis bon, c'est comme une idée qui est restée en gestation dans ma tête pendant très longtemps. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est presque nouveau pour moi là, d'admettre ça, si vous voulez. Et qu'est-ce qui a amené pour le choix du livre, justement, d'Anna, elle va lire au fil des pages, dans le fond, un livre qui était mis à l'index à l'époque, mais le Paradise Lost de Milton? Oui, ben ça, en fait, ça a été un gros problème technique dans mon livre, c'est que je me suis demandé qu'est-ce qu'une jeune Canadienne-Française, donc qui est peut-être en tout cas, qui était vraisemblablement pas si instruite que ça, aurait pu lire dans ces années-là, parce qu'évidemment, il y avait l'index, mais l'accès aux livres n'était pas si évident que ça non plus. Le seul livre qui était permis, c'était la Bible. Les autres, c'était l'annuaire téléphonique pour ceux qui avaient le téléphone, puis peut-être l'almanach du peuple, mais je voyais mal mon personnage lire ça à un défunt. Donc, j'ai posé des questions d'abord à un professeur de l'Université de Chicoutimi, un professeur de littérature du Québec, qui m'a donné une liste de livres, mais qui étaient évidemment des livres permis. Donc, c'était évidemment, c'est des trucs pas si tripantes que ça, là. Donc là, je me suis dit, ouais, OK, c'est bien beau de savoir ce qui était permis de lire dans ce temps-là, mais c'est pas ça qui aurait pu provoquer une étincelle dans la tête d'un blessé ou en tout cas nous permettre d'accéder à son inconscient. Ça me prenait autre chose. Et puis là, c'est là que j'ai questionné Jean Provencher, l'historien. Et lui, il m'a tout de suite mis sur la piste de Paradise Lost. Il m'a dit, regarde, ça, c'est un livre intéressant. C'est un livre dont le narrateur, c'est le diable. Donc, ceci, c'est carrément interdit par l'Église à l'époque. Puis il me dit, c'est le livre dans lequel l'expression « vaut mieux régner en enfer que servir au paradis » elle a été tirée. Mm-hmm. Alors, ça m'a vraiment intéressé. Alors, c'est ça, j'ai cherché dans les bibliothèques partout, sur Internet. À un moment donné, j'ai fini par mettre la main sur le livre. Je regardais ça, puis je trouvais qu'il y avait vraiment matière à nourrir mon récit avec ça. Ou en tout cas, c'est la pièce du puzzle qui me manquait pour avancer dans mon histoire. Et on peut découvrir justement cette histoire, je le rappelle, chez Mécanique Générale. Ça s'appelle La Grande Noirceur, donc nouveau-né de Philippe Girard. Et en terminant, Philippe, je sais que tu travaillais en post-Love Apocalypse, tu essayais de développer un livre un peu plus humoristique. T'es revenu finalement avec l'idée de faire une suite à La Mauvaise Fille. Est-ce que là, tu te remets sur l'humour ou on continue dans la veine historique? Ben, je sais pas, parce que j'aurais une autre idée pour, une suite encore, là, pas une suite, mais en tout cas un autre épisode là pour... Anna Donati, la protagoniste de La Grande Noirceur, mais ça demande beaucoup de documentation de faire ça, puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la sauvette, là. Faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, puis bon, il y a de la documentation visuelle, etc. Donc là, je récupère tranquillement sur le travail que j'ai fait, je réunis les morceaux dont j'ai besoin pour mon histoire, et oui, je continue à travailler un récit d'humour que j'avais déjà entrepris il y a un an, là, j'achève, en fait, il me reste une dizaine de pages à faire. Et puis, après, on verra comment ça aligne les choses, là. Alors, on continue de suivre ça. Et d'ici là, on a quelque chose de très agréable à se mettre sous les yeux. Philippe Girard, merci. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Alors voilà, je rappelle La Grande Noirceur de Philippe Girard, qui est disponible aux éditions Mécanique Générale. Alors, toujours des petits extraits de l'album de Masquerade Doomcloud au fil de l'émission de cette semaine. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter les émissions des semaines précédentes sur la toile, lavieenbd.wordpress.com. Et j'en profite également pour vous faire un petit clin d'œil à un album que j'ai bien apprécié, incidemment, qui est sorti tout récemment du côté de chez Alto. Traduction d'une BD de Tom Gold, traduction qui s'appelle « Vous êtes tous jaloux de mon jet ». Pack. Pour ceux qui suivent l'émission de manière assez proactive et récurrente, eh bien, vous savez que j'ai beaucoup aimé le précédent ouvrage de Tom Gold qui avait été édité chez l'association en version française Goliath, qui relatait l'histoire tragique finalement de Goliath, qui était un comptable dans l'armée et qui finalement, parce qu'il était grand, ben, avait été forcé justement d'aller défier David et d'aller défier dans le fond l'armée adverse envers et contre son désir, et ce qui avait mené éventuellement à son décès. Donc un truc quand même assez absurde dans l'amorce, mais qui m'avait vraiment plu. Et là on revient avec un autre ouvrage du côté de cet auteur là, et cette fois-ci en fait un joli coup très différent du précédent. On est vraiment dans un recueil de strips ou de dessins d'humour. C'est des dessins qui étaient publiés dans le supplément hebdomadaire littéraire du Guardian Guardian. Et c'est essentiellement des strips qui explorent la face absurde et imaginaire de l'histoire de la littérature et de d'autres éléments. Donc, des clins d'œil à Shakespeare, des clins d'œil à Dickens, des clins d'œil à Beckett. Et si Beckett faisait Tintin, ça aurait l'air de quoi, par exemple? Et si, finalement, Shakespeare avait voulu intégrer Monsieur Flagada dans Roméo et Juliette, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, des éléments comme ça, complètement déjantés, complètement surréalistes, des clins d'œil, en fait, vraiment, là, c'est... une case, deux cases, tout au plus, des fois une grande illustration. Des fois, on parle pas nécessairement non plus d'une narration, mais plus simplement d'une, disons, d'une juxtaposition d'objets. Il nous propose, par exemple, un champ lexical de telle situation ou telle autre avec des objets, avec des éléments comme ça, des personnages, des archétypes. Bon, bref. On y va avec des gags, au bout du compte, à une case ou en une mini-planche. Un inventaire, finalement, de délire. Je pense que c'est la meilleure façon par laquelle on peut décrire ce projet-là. C'est un inventaire de délire. C'est un fourre-tout absurde et à travers lequel, ben, finalement, Tom Gold bâtit un petit univers mental. En fait, pour reprendre les mots d'une autre critique, j'aurais envie de dire tordu et tordant. Mais essentiellement, c'est le genre de truc que vous avez pas lu. Ça, je suis persuadé que vous n'avez pas lu quelque chose comme ça jusqu'à récemment. Alors, donc un dessin qui est minimaliste mais qui est efficace, une ligne sobre, des ombres noires, des petites hachures. Donc, tout simplement, c'est vraiment pour mettre en valeur le concept ou l'idée ou le délire qu'il avait en tête, et ça marche efficacement. Une bonne traduction, parce qu'on imagine qu'il y a une belle intelligence aussi dans la première version. Un humour vraiment aussi très... un fan absurde un peu britannique, là, j'aurais envie de dire aussi des fois des trucs qui pourraient vous faire penser à un sketch de Monty Python, dans une certaine mesure aussi. C'est pas non plus de l'absurde pour de l'absurde. En fait, je trouve que il y a des bons mots, il y a du saugrenu, mais il y a aussi quelque chose d'artistique dans cet humour-là. Alors vraiment, en fait, pour moi, ça m'a séduit, très sincèrement. Si vous avez aimé Goliath, c'est sûr que vous avez apprécié ça. Si vous aimez les trucs absurdes et particuliers, vous allez probablement apprécier aussi. En plus, l'édition, elle est belle, elle est solide. Alors, ben ma foi, si vous passez en librairie, jetez un coup d'œil, lisez peut-être 2, 3, 4, 6 pages. Et si vous aimez l'ambiance de ces 6 pages-là, ben c'est sûr que vous allez aimer La Balance. Et si ben, vous aimez justement un peu la description d'univers absurde que je vous en ai faite, ben ça vaut la peine dans ce cas-là d'aller justement le feuilleter pour vous faire votre opinion. Alors voilà, je vous rappelle, c'est Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack de Tom Gold, et c'est édité chez Alto en version française. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Mettez-vous de l'argent de côté pour la retraite? Ah, j'essaye, mais... Mais c'était pas toujours facile. Paye ci, paye ça. Au bout du compte, moi, j'ai tout dépensé. Sauf que... Bonne nouvelle! Le Québec a mis en place pour tous les travailleurs... un nouveau régime d'épargne-retraite. Ça s'appelle le régime volontaire d'épargne-retraite. Comme ça va être plus facile de mettre de l'argent de côté. Employeur, pour offrir une meilleure retraite à vos employés, informez-vous à rver.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec. Maman. Ludo Lalu. Lily le lit. Oh, merci. Lucas le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h30 et la fin de semaine de 11h à 17h. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul, écoutantique.com. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. C'est KRL. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez aussi me suivre via mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, on reste un peu autour de thématiques historiques en lien avec les albums qu'on explore cette semaine. Et il y a un Septentrion qui a offert tout récemment le premier tome de la série Légendes d'un peuple, donc une BD qui est liée au projet que vous connaissez sûrement, mené entre autres par Alexandre Belliard, autour justement des figures importantes, des figures légendaires, si on pourrait dire, de l'histoire du Québec et de l'histoire de la francophonie nord-américaine. Et pour nous parler du projet BD et du projet également plus largement, on est en compagnie du scénariste de la BD, il est historien également, Gilles Laporte, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, projet BD justement, je le disais, qui est développé d'abord en chanson. Il y a eu une itération BD également qui en est venue par la suite. Est-ce que c'était dès le départ quelque chose qui était dans les cartes, justement, que ce soit pas simplement un projet ou uniquement un projet musical, mais que ce soit un projet plus large, dans le fond, sur l'histoire de notre nation? Ben, vous avez raison de rappeler le rôle d'initiateur d'Alexandre Belliard. C'est un artiste qui vient de la pop musique, là. Il a fait la Star Academy et tout le bazar, là. Et il a fait ses albums, deux ou trois albums, là, populaires, là, qui se perdaient un peu dans la masse, faut-il le dire. Mais quand j'ai rencontré ce type, j'ai d'abord rencontré un gars qui fait de la musique depuis 14 ans, l'âge de 14 ans, alors qui était rompu, là, aux techniques musicales, aux tournées de spectacles et puis tout le bazar, mais qui était animé par un idéal, celui de raconter l'histoire de son peuple en chanson. Dès le départ, le gars, il n'en a pas une affaire personnelle. Immédiatement, il a tenté de fédérer autour de son projet d'abord des musiciens, mais aussi des artistes. Puis là, d'ailleurs, son rêve s'est exaucé le mois dernier lorsqu'il a lancé un premier album collectif là, avec des grands chanteurs, chanteuses québécoises. Mais dès le départ, donc, il voulait se cacher derrière ce projet parce que pour lui, il se voyait d'abord avant tout comme un animateur. Mmh. Alors, il m'a d'ailleurs contacté d'abord comme historien. Et ce qu'il avait besoin initialement, c'était de textes historiques pour accompagner ses chansons. Il avait une bonne vision, puis c'est assez juste, puis ça s'applique aussi au monde de la BD. C'est que de plus en plus, la musique se dématérialise, là, OK? Mm-hmm. Du mythique vinyle, on est passé au CD, puis désormais, la musique est dans l'air, elle est dans l'iPod, elle est nulle part et partout en même temps. Et qu'il voulait fixer autour d'un objet, ce qui est devenu un livre-disque, les premiers tomes de Légendes d'un peuple. Bon, j'ai fait des textes d'historiens en faisant le lien avec ses chansons et tout le reste, mais sauf que je viens moi-même aussi de la BD. J'en ai fait de BD d'humour, de Rupert Coq, j'avais fait une série de 4 albums, j'en avais fait d'autres avec des collaborations. Et puis, souvent on m'avait approché pour faire de la BD historique, mais ça, j'y croyais pas vraiment parce qu'au Québec, on n'a pas le marché, on n'a pas l'environnement, c'est pas dans la culture. On sait combien en Europe la BD historique est fondamentale, là, il s'agit juste de rentrer dans les librairies pour le constater. Mais au Québec, on disait, bon, on n'a pas le sujet, on n'a pas la matière, puis surtout, on n'a pas le lectorat pour ça. Mais là, l'occasion était trop belle. Fait que j'ai approché un éditeur de livres sérieux, vous l'avez dit, Septentrion, pour qui c'est la toute première bande dessinée. Alors, c'est très intéressant pour le monde de la bande dessinée québécoise que de voir qu'un éditeur sérieux, entre guillemets, là, qui tout à coup voit un filon à exploiter ici, mm-hmm. Et ça s'est fait très vite. Oui, parce qu'en fait, comme vous dites, pourtant, en fait, c'est pas par manque de sujet, on dirait qu'on s'est pas attaqué à la BD qui est sur l'histoire du Québec, mais je pense hormis Radisson de Jean-Sébastien Bérubé, le genre a été sous-exploité et pourtant, parce qu'en même temps, ça devient aussi d'un côté, en fait, la richesse narrative qui est permise par les sujets historiques, puis de l'autre côté, ben, la portée aussi liée à permettre en fait ces récits-là de trouver une nouvelle voie, peut-être, d'une certaine manière. Effectivement, ça s'est fait. Les gens se souviennent des BD humoristiques, plus ou moins humoristiques, de Bousseron et tout le reste, là, puis l'histoire du Québec en bande dessinée. Mais il faut rappeler l'œuvre de Pionnier de Bérubé, puis aussi Loisel, avec son magasin général, là, qui était un authentique succès de librairie. Puis, ben, écoutez, ça l'a peut-être donné le goût du risque. Hein. Le sujet est là, indéniable. Des histoires comme d'Iberville, Radisson, des histoires comme Les Patriotes, Papineau, c'est prodigieux là, comme trame narrative, là, puis il y a un immense potentiel. Et comme on fait pas de film sur notre histoire, ben, il nous reste la bande dessinée pour brosser des grandes fresques historiques. Alors, dans les circonstances, tablant sur c'est l'œuvre de ces pionniers, ça a été assez simple de convaincre l'édition Septentrion de dire pourquoi pas mettre certaines des chansons de Béliard en musique, en BD. Pour le premier tome, on propose 6 récits, alors des valeurs gagnantes, là. La première femme en Nouvelle-France, Marie Rollet, les exploits de Pierre Lemoyne d'Iberville, les discours de Papineau et, bien sûr, la lutte des métis de Louis Riel et de Gabriel Dumont. Ça aussi, ça avait été exploré en BD, mais on voulait un peu faire une espèce de panorama de l'histoire du Québec. Parce qu'un tel album vise, bien sûr, à amener des gens à s'intéresser à des ouvrages plus sérieux, en tout cas, sans plus, là. Disons, simplement présenter notre histoire sous un angle plus attrayant puis plus accessible. Puis aussi, il y a un intérêt outre-mer. Hein. À Paris, ils ont commandé des albums, ils veulent le tester. Les Français, bien sûr, toujours l'attrait des grands espaces puis de la Nouvelle-France héroïque. Alors, on table aussi sur l'intérêt du public européen pour, disons, nous inciter peut-être à lancer un tome 2 puis voir la suite. Et ce qui est intéressant, Gilles Laporte, aussi, dans le choix que vous avez fait à l'intérieur de cette BD-là, c'est de pas non plus faire des mini-biographies, mais vraiment d'axer sur un événement précis qui nous permet de prendre conscience de la réalité du personnage. Je prends exemple d'Émilie Fortin, qui est assez parlante, en fait. Bon, oui, ils ont sûrement une vie assez particulière, mais finalement, vous avez centré autour d'une anecdote, d'un repas, d'un réveillon de Noël, et avec ce seul événement-là, ben, on capte la nature même d'un personnage. Ben, c'est gentil, mais c'est l'enfance de l'art en bande dessinée, là. Il n'est pas question de commencer né à tel endroit, puis voir à tel endroit, puis tenter en quelques pages de brosser ça. C'est superficiel, c'est outrancièrement didactique. Effectivement, capter l'instant magique. Tous les personnages ne se prêtent pas à la chanson, qui est de la même manière qu'on peut pas mettre en bande dessinée tous les personnages ou tous les récits. Il y a des choix à faire. Mais c'est pas été un choix facile, parce que on aurait pu tout miser sur la trame dramatique, tout miser sur l'instant magique, ouais. Mais on avait quand même un souci historique. On travaillait avec un gros éditeur. Moi, j'ai mes scrupules d'historien. Je voulais que chaque parole prononcée soit authentique, même si la langue pouvait paraître avoir vieilli. Parce qu'on, à la limite, il est quand même à mi-chemin entre la BD, disons, d'aventure et le document historique. Fait que il y a eu des choix à faire, mais dans mesure du possible, effectivement, vous évoquez un souper de Noël qui est authentique, hein. Lors de leur premier hivernement dans le Yukon, le Nolasque, c'est le nom de l'époux, Nolasque et Émilie, Émilie qui est la toute première blanche à être entrée au Yukon de toute l'histoire, donc Émilie Fortin, de son propre chef, décide de réunir des vieux hommes bourrus autour d'un souper de Noël. On a le texte authentique du menu, comment c'était organisé. C'était très prosaïque, mais très touchant en même temps. Fait qu'évidemment, il n'était pas question de passer à côté d'un événement pareil. Mais en même temps, par exemple, l'histoire des métis, ben, on a ressenti le besoin de situer, de placer et tout le reste. Mais c'est un fabuleux boulot de casting. Vous savez, on a des personnages dans l'histoire de la Franco-Amérique. Un gars comme Gabriel Dumont, bon, tout le monde connaît le personnage de Louis Riel, mais Gabriel Dumont, qui est un véritable désespérado, là, qui est l'équivalent de Pancho Villa au Québec, dans l'Ouest. Alors, c'était bien intéressant de travailler le personnage. De la même manière, un gars comme Pierre Lemoyne d'Iberville, Vincent Partel, qui est un illustrateur extraordinaire, là, de l'école française, ça se voit tout de suite. Vincent, dis-je, a eu l'idée de traiter d'Iberville, dont on a très peu de représentation, comme s'il était un albator, vous voyez, le pirate de fou trop quoi, là, mais un personnage d'enfance, mais pourquoi pas, dans la mesure où on peut rester rigoureux au niveau historique, tout en essayant d'interpréter puis de donner un sens plus contemporain à certains personnages. Oui, en fait, c'est un peu l'idée du fil, en fait, sur lequel il faut cheminer. Il ne faut pas sacrifier l'histoire, mais il ne faut pas sacrifier non plus l'efficacité dramatique, donc trouver l'équilibre entre les deux, entre la véracité et le moteur de récit aussi. Absolument, puis tous les BDistes se posent la question, quel est le marché visé, hein? On a trop tendance, parce que j'étais un c'est quand même un vieux de la vieille. On a trop tendance déjà à viser un marché qui est bien initié au monde de la BD, qui connaît les rouages, les langages, tout ça. Alors, c'est une culture qui est assez fragile, hein, la culture BD-esque. C'est une culture qui faut, et on n'est pas tous prêts à se livrer à des expériences graphiques ou narratives. Alors, il faut non plus pas perdre de vue ses bases, hein. Un récit, ça se construit autour de l'identification d'un personnage. Il faut faire une mise en place. Il faut pas trop de texte hors bulle. Il faut d'abord que ce soit les personnages qui le disent, qu'ils font par l'action que ça amène le récit. Et ça, ben ça, c'est un équilibre. Nous, on vise les jeunes, notamment ces garçons là qui ont perdu un peu d'intérêt pour la lecture, les ramener peut-être à des jalons, puis leur proposer des héros. C'est sans message moral. Il n'y en a pas le moindre là-dedans. Là. Mais il y a néanmoins le désir d'édifier, c'est-à-dire de trouver des personnages plus grands que nature, puis qui invitent à l'émerveillement, mais aussi au ressourcement dans l'histoire. Oui, effectivement. En fait, de que ça soit pas simplement non plus un ouvrage pédagogique, une introduction à la lecture, que ça ait sa valeur propre, mais ça devient une valeur ajoutée aussi, dans le fond, de pouvoir dire, ben regardez, on peut en plus l'insérer dans un créneau comme ça. Voilà, ben c'est autour de la belle bannière fédératrice de Légendes d'un peuple. Mm-hmm. Là, il y a des émissions de télé qui se préparent. Puis c'est essentiellement, le message est très simple. Nous avons des grandes origines, la Franco-Amérique, parce que c'est pas que du Québec dont il est question. De l'Amérique du Nord au complet a été souvent explorée, balisée par des gens qui avaient le français comme langue commune. Que c'est en français que les premiers liens sont faits avec les Premières Nations. Que partout le nom de la France a été écrit en Amérique du Nord. Que des gens très modernes, pas que des grands explorateurs ou des administrateurs coloniaux, mais des gens très modestes ont écrit à jamais leur nom en Amérique du Nord, mais en français. C'est une forme d'invitation à la fierté, et ça, on va être d'accord, on n'en a jamais trop. Et justement, on parle du tome 1 côté BD. Il y a déjà plusieurs tomes en album musical. Il y a déjà d'autres projets, vous l'avez évoqué. Est-ce que ça veut dire qu'on commence déjà à penser à un éventuel tome 2 pour Légendes d'un peuple? Ben, évidemment, en bande dessinée, on le sait, c'est un adage. Tout bon album de BD finit par à suivre. Hein? Mm-hmm. Alors, on attend le succès, l'intérêt, mais de toute façon, il travaille certainement. Moi, par exemple, je tripping des patients à traiter d'événements plus clivants. Hein? Alors, je pense à la crise d'octobre 1970, par exemple. Ou à la Seconde Guerre mondiale, où il y a des personnages plus grands que nature. Mais prenez simplement la crise d'octobre en BD, c'est un beau défi, hein. Bien sûr, c'est pas juste faire des voitures des années 70, c'est de mettre en BD des personnages historiques que les gens vont reconnaître, comme Bourassa, Trudeau, les membres du FLQ. Et ça, c'est toujours délicat en BD, pas rien que pour des raisons éthiques de respect des gens, mais aussi parce que la BD, elle se casse souvent les dents avec des sujets plus contemporains. Alors, c'est un défi que j'ai bel trop de goût d'enfourcher. Alors, le second tome, oui, déjà en marche, il va davantage porter sur le 20e siècle, sur la lutte nationale du Québec, mais aussi ce qui s'est fait ailleurs. La lutte du peuple acadien, par exemple, là, la libération du peuple acadien au tournant des années 1960, mais aussi des francophones qui, aux États-Unis, sont devenus des gens légendaires, etc. Toujours autour du créneau, parler en français en Amérique et les exploits des gens qu'on a malheureusement oubliés. Ceux que Serge Bouchard appelle ses illustres oubliés, en bande dessinée, plus accessible pour un jeune public, mais aussi les gens qui aiment comme moi, les adultes, bien sûr, parcourir rapidement, au hasard de quelques pages, les exploits méconnus de certaines personnalités, ouais. Alors ben voilà, donc l'invitation à la lecture, elle est lancée. Gilles Laporte, merci. Grand plaisir. À la prochaine. Bye bye. Voilà, donc Gilles Laporte, scénariste avec les dessins de Vincent Partel pour cet album, donc Légendes d'un peuple, tome 1. Je le rappelle, c'est édité chez Septentrion. voilà, toujours à la vie en BD. On amorce la dernière ligne droite. Vous avez peut-être vu passer dans les médias sociaux les éditions Pop-Up qui ont lancé une campagne Kickstarter, une campagne de sociofinancement pour un projet de traduction pour Pop-Up Press. Alors, pour qu'on les appuie à traduire leurs livres et aussi pour qu'un nouveau public vienne les appuyer également. Alors, qu'en est-il et pourquoi ce projet? Ben, on en discute avec l'éditeur Luc Bossé. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, pourquoi avoir choisi de s'attaquer au marché anglophone plutôt qu'à d'autres types de marchés? C'était suite à une discussion avec Tristan Rouleau au dernier Festival de BD de Québec. On parlait justement d'exportation puis de distribution en France. On parlait des livres. Lui, qui est lui-même français, il habite au Québec depuis 3-4 ans, puis il a lu quelques livres de part. Puis on parlait de certains livres, puis il me disait que certains livres méritaient d'être traduits pour aller en France. Je pense, mettons, à Ville Misérable, que ça mériterait une traduction pour que ça soit plus compréhensif pour les Français. Puis de fil en aiguille, à force de jaser, puis là, tant qu'à traduire, pourquoi tu t'attaques pas au marché anglophone? Puis ça a fait boule de neige à partir de là. Ça faisait bien du sens. Géographiquement, on est juste à côté des États-Unis, de Toronto, tu étais à côté, en fait. Puis même Montréal, il y a beaucoup d'anglophones, donc... Ça semblait logique à un moment donné. Et pourtant, il y a peu d'éditions bilingues. En fait, généralement, c'est plus on attend au bout du fil qu'il y ait une entente de droits de traduction, de droits de distribution qui soit faite sur différents titres. Et il y en a peu qui disent, OK, on va faire les deux in-house, comme on dit. Je ne sais pas s'il y en a qui le font. Là. Mais en même temps, encore là, je ne sais pas si c'est parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu de l'édition, puis je ne sais pas trop comment ça marche non plus. Puis... la plupart des auteurs qu'on a chez nous sont bilingues aussi, donc ça semblait une suite logique, mais peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas pour l'instant c'est le fun. Oui, mais en même temps, c'est pas parce que personne le fait qu'il faut pas le faire non plus, au contraire. Exact, je pense que ça vaut la peine de l'essayer en tout cas. Et j'ai l'impression même déjà, si on regarde au niveau des prix, de la réputation des ouvrages, ça dépasse aussi le Québec. Là. Juste au niveau des Joe Shuster Awards, il y a Zviane qui a eu pour les deuxièmes un prix de ce côté-là. Donc, c'est des albums qui ont déjà une réputation chez un public qui, pour qui, dans le fond, ces albums-là n'existent pas, sauf en français. Exactement. Dans le Canada anglais, on n'est pas si inconnu que ça, justement à cause de Joe Shuster. Donc, puis on a déjà un peu des liens, je veux dire... La gang, tout notre entourage, on est tous allés à un moment donné au TCAF à Toronto, au Festival de BD de Toronto. Donc, on crée des liens. Il y a des anglophones qui viennent des fois dans l'atelier où est-ce qu'on est. Donc, je sais pas, c'est comme plus naturel de cette façon-là. Et pour la première lancée, pour la proposition de ce sous-financement, tu as choisi 5 titres de la collection, donc 5 sur les 21. On parle des deuxièmes de Myland, Ville et Misérable pour les 3 premières. Puis si tout va bien, par la suite, on ajouterait Les Cousines Vampires puis Apnée. Pourquoi ces titres-là? On était avec ceux qui ont eu le plus de succès jusqu'à maintenant. On pense à Myland, c'est notre plus gros vendeur. Puis en même temps, il représente bien parce que l'idée c'est de se positionner comme une maison d'édition à Montréal. Montréal, une ville bilingue. Donc, Mylan étant notre plus gros vendeur, c'était un peu logique de publier celui-là. Ensuite, les deuxièmes, parce que gagner le prix de Joe Shuster, puis aussi un bon succès commercial. Celui de Samuel, on le compare des fois son humour à j'ai lu des critiques à un humour anglais. Donc, puis lui-même, c'est un grand consommateur de culture américaine et anglophone. Donc, je pense que ça va être naturel pour lui de le traduire. Mm-hmm. Après ça, pour ce qui est des Cousines Vampires, pour différentes raisons, c'était un livre qui va bien se traduire, qui a un attrait, je pense, aussi au point de vue visuel pour le marché anglophone. Mais en fait, on a comme choisi en fait les plus faciles. Comme Apnée, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a beaucoup de pages. On voulait pas se lancer dans quelque chose de complexe non plus avec Chronique du Centre-Sud, que celui-là va être un gros morceau à traduire. Donc, à part les 3 premiers, les 2 autres, les bonus, c'était des trucs un peu plus... parce que vu qu'on les rajoutait dans si on dépasse l'objectif, Puis on a quand même, ce qu'on, l'objectif, c'est d'être au mois de mai au Festival de BD de Toronto, TICAF. Ça ne laisse pas tant de temps que ça de tout traduire, de tout produire, d'imprimer, puis d'être là avec nos livres. Donc, il ne fallait pas se lancer dans des choses trop impossibles non plus. Et côté socio-financement, j'imagine, parce qu'on décrit beaucoup le socio-financement comme un marché test, dans le fond, pour voir s'il y a une demande. Et s'il y en a, ben, on procède à la demande. Donc, ça devient un peu une pré-vente, ça devient un test de marché pour PowerPower. Ça fait exactement. Puis en même temps, ça crée un événement autour de ça. Je le sens, là, je reçois des courriels, je reçois des messages, des encouragements. Il y a des Américains qui s'intéressent à ça. Je pense pas que ça aurait été... en fait, ça sert de campagne de marketing en même temps, dans le sens que tu te fais connaître avec ce projet-là. Il y a une plateforme qui est là avec un public qui est réceptif. Donc, en créant un événement autour, on va se faire connaître juste en faisant ce projet-là sur Kickstarter, je pense. Oui, ben en fait, puis en même temps, c'est une campagne justement qui est mûrement préparée. Ça fait un certain temps qu'après lancement que vous développiez tout ça. Là. Ça fait un bon 4 mois qu'on travaille là-dessus. Je me fais beaucoup aider par l'équipe, en particulier Alexandre Fontaine-Rousseau puis Sylviane Ménard qui sont près de moi. Puis on, mettons que ça n'a pas chômé dernièrement, là, ça demande de la préparation. Tu ne peux pas te lancer là-dedans sans un travail d'avance, là. Et avec le premier objectif de 20 000 pour les 3 titres, ce qu'on espère couvrir, c'est essentiellement les frais de traduction, les frais d'impression, mise en marché? Ou... Exactement. L'idée, c'est d'avoir un inventaire de livres anglophones sans avoir trop dépensé d'argent. Donc, de se présenter à Toronto avec des livres imprimés, puis on part pas à moins 20 000 $, mais on part au plancher, si on veut, là. Et au niveau du choix de Toronto, évidemment, c'est au Canada, il y a un rapport de proximité, mais il faut dire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un gros événement, là, si je me trompe. Oui, je ne sais pas, là, je ne veux pas parler trop mon chapeau, mais j'ai l'impression que c'est le plus gros au Canada, là, dans le genre. Après ça, on verra, là, on n'est pas loin de New York non plus, fait que on va se promener à partir de là, mais le point de départ, ça va être Toronto, là. Et en même temps, l'idée, c'est aussi, et j'imagine pour les auteurs québécois, d'avoir d'autres portes d'entrée vers le marché américain à terme. Parce que pour l'instant, en fait, ceux qui traduisent justement les titres francophones, c'est surtout Conundrum Press, Dwan & Quarterly, si on se limite du moins au bassin d'auteurs du Québec, là. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est de le faire nous-mêmes, là, puis de donner de l'opportunité aux auteurs locaux de se faire connaître à un peu plus grande échelle, là. Et donc, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur la campagne de socio-financement, il y a les vidéos, cadeaux et autres aussi qui sont évidemment sur le site des éditions PowerPower. Oui, puis de faire une recherche sur le site de Kickstarter.com, juste en faisant une recherche sur PowerPower Press, c'est facile de le trouver. Et donc, à suivre, évidemment, avec attention, avec un certain suspense, évidemment, en espérant que l'objectif soit atteint, on vous le souhaite. Et peut-être avant de te laisser, Luc Bossé, petite question. J'ai entendu dire, en fait, j'ai lu ça quelque part, qu'il y avait une association avec l'association et PowerPower pour la distribution des ouvrages de l'association Sol québécois. On parle pas nécessairement d'association, c'est plus un test de voir, là, avec, on va y aller avec un premier livre, avec le prochain livre de Loïs Trondheim à l'association. On va le publier sur le territoire du Québec. Donc, de cette façon-là, la stratégie en arrière, c'est d'avoir des livres de l'association qui sont moins chers pour le lecteur, l'acheteur. Parce qu'une fois importés, les livres de l'association avaient tendance à être un peu plus dispendieux, mais c'est ça, c'est de c'est un test. On fait un premier test avec Loïs, puis bien content que ce soit lui, parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et j'imagine que pour le positionnement de PowerPower versus aussi cet éditeur-là, ben ça, et éventuellement, si ça fonctionne bien ici, peut-être qu'il y aurait possibilité qu'eux prennent de vos titres chez eux ou des choses comme ça? Peut-être, si on rêve un peu. On n'est pas rendu là encore. L'idée de distribuer nos livres en France est encore bien présente. Là. Je ne sais pas si ça va se passer par l'entremise de l'association, peut-être pas, ou... J'ai déjà fait des pourparlers avec des distributeurs français, donc c'est un jour à la fois. Là. Il se passe beaucoup de choses présentement. Donc. Oui, en fait, il y a déjà l'anglophone là, sur le court terme. Disons, les mains sont pas mal pleines, là, comme on dit. Ouais, c'est fou, c'est fou. Alors, ben, on invite les gens à aller y faire un tour. On l'aura également relayé via le Facebook de La Vie en BD. Donc, les gens peuvent le trouver là ou aller sur le site des éditions PowerPower directement, chercher PowerPower Press. Vous allez trouver ça. Luc Bossé, merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine. Bye. Voilà, donc je le rappelle, Luc Bossé, éditeur aux éditions Pow Pow. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine de La Vie en BD. Je vous souhaite une très bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro. Et dans quelques instants, ce sera l'émission Swing Out.